Pourquoi la politique ne peut pas reposer sur des vœux? En début d'année, dans notre société, et peut-être dans toutes les sociétés, il y a parmi ce qu'on appelle les rituels républicains, les différentes cérémonies des vœux, comme si, d'une certaine façon, le politique reprenait à la fois ce qu'il y a de plus métaphysique et ce qu'il y a de plus intime à sa charge dans ces cérémonies très particulières. D'un côté, ce qu'il y a de plus métaphysique, comme si les autorités républicaines avaient quelque chose d'autorité religieuse qui prenait sur elles les grand moment de la vie pour adresser des vœux à la nation et à l'histoire tout entière, mais d'un autre côté, nous souhaitant intimement le meilleur pour l'avenir avec une forme de relation individuelle et concrète de la part des autorités dans toutes les institutions. Ces moments ont quelque chose de fondamental, mais ils peuvent aussi avoir quelque chose d'illusoire. La politique ne peut pas reposer sur les vœux, même si peut-être elle reprend par ses rituels quelque chose de très profond dans une société humaine, tout simplement parce que la politique est chargée de leur réalisation, est chargée de ce qu'il y a de réalisable dans les vœux humains individuels et collectifs. La politique ne peut même pas reposer simplement sur des promesses, sur un rapport à l'avenir face à des dangers qui nous effraient, sur une promesse qui, certes, est essentielle si elle est tenue, mais une promesse qui redouble aussi notre rapport anxieux à l'avenir. Non, la politique consiste aussi à montrer comment, sous les vœux que partagés, sous les craintes et les espoirs qui font inévitablement partie de la vie humaine individuelle et collective, il y a une action commune qui est déjà à l'œuvre. Le risque de mystification qu'il y a dans la promesse, dans le vœu, c'est de redoubler un rapport à l'avenir, d'essayer d'opposer un rapport positif à l'avenir, le souhait, la promesse, le désir, à un autre, la crainte, l'angoisse, le désespoir, sans passer par le rapport concret au présent, par la responsabilité de dire à la fois où nous en sommes dans des difficultés concrètes et ce que nous faisons dès maintenant pour y répondre. La cérémonie des vœux ne peut donc pas remplacer le bilan et le programme qui nous permettent justement de nous orienter dans le temps. Les scénarios concrets face aux dangers qui nous menacent, les scénarios partagés et la discussion politique. Les vœux manifestent quelque chose comme cette dimension, malgré tout, d'une histoire partagée. C'est pourquoi cela rejoint les fondements les plus secrets de la vie humaine. Mais cette histoire, précisément, en tant qu'humaine, consiste dans une préparation et dans une explication des principes sur lesquels repose une action commune. Des vœux pour toute une société ne peuvent pas ne pas se fonder sur la justice. Des vœux qui reposent sur des principes, qui anticipent des dangers et des actions pour y répondre, qui reposent sur une construction progressive et sur une présence constante et continuée. Voilà pourquoi la politique doit passer par les vœux, mais ne jamais s'en contenter.